Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Nous avons un Dieu qui est bon. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je vais dire à quelqu'un qui se sent abattu. Oui, tant que Jésus-Christ sera vivant, tu ne peux pas désespérer. Il est capable de te restaurer, de te renouveler ses bontés. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ton frère. Réveille ta femme. Réveille ton mari. Nous sommes à notre émission OSB, émission de prière matinale. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, 20 à 40. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils n'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tomba sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Verset 27. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Il y a trois vérités que je vais partager avec vous. Voici la première vérité. Soyons des hommes faits, c'est-à-dire des hommes matures. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont toujours des bébés spirituels, qui ne grandissent pas dans la foi. Ce sont des gens qui ne grandissent pas dans la parole de Dieu, dans la connaissance. Ce sont des gens qui sont ignorants, même en ce qui concerne les dons spirituels. Nous devons grandir dans la maturité spirituelle. C'est à cela que Paul exhorte les Corinthiens, lorsqu'il dit au verset 20, « Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la malice, mais soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Les hommes matures, hommes faits, ce sont des gens qui sont capables de juger. Ils peuvent grandir. C'est l'équivalent de ce que nous avons vu des hommes spirituels. Deuxième vérité concerne l'importance du don des prophéties. L'apôtre Paul poursuit sa comparaison entre le don des prophéties et le don de parler en langue. Il montre que le don de prophétie est beaucoup plus important que celui de parler en langue. Et nous allons relever deux éléments importants ici. Il dit, le don de prophétie convainc et juge les non-chrétiens en dévoilant les secrets de leur cœur. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Au verset 23, « Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ?» Verset 24. « Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. » Deuxième élément important du don de prophétie. Lorsque les secrets du cœur des non-chrétiens sont dévoilés, il tombera sur sa face, adorera Dieu et dira que Dieu est au milieu de vous. Vous voyez? Donc, il y a des moments où nous avons besoin que réellement quelqu'un qui vient à l'assemblée, que le secret de son cœur soit dévoilé par le don de prophétie, de telle sorte qu'il est amené maintenant à adorer Dieu. Vous voyez, le véritable don n'élève pas un homme. Vous voyez, mais ce véritable don agisse pour que l'individu vienne se prosterner pour adorer Dieu. Vous voyez, on dit, il adorera Dieu et dira que Dieu est au milieu de vous. C'est ce qu'il dit au verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tomba sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est un don donc important, les dons de prophétie. C'est pourquoi l'apôtre Paul encourage que toute l'église ait cette capacité de prophétiser en disant des merveilles de Dieu. Troisième vérité concerne les principes de l'utilisation des dons spirituels dans l'église. Vous voyez, l'un des problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans nos églises dites charismatiques ou pentecôtistes, c'est parfois le mauvais usage des dons spirituels. Alors, nous allons voir trois éléments importants que Paul nous enseigne dans ce passage. Il dit, premier principe, tout doit se faire pour l'édification. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, vous êtes en train de parler en langue, lorsque vous êtes en train de prophétiser, vous devez vous mettre en tête que ce que je fais, ce que je dis, doit contribuer à l'édification de toute l'église, de toute la communauté. Vous voyez, c'est pourquoi il dit au verset 26, « Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. » C'est pourquoi il va dire, par exemple, lorsque tu parles en langue, il faut que tu aies les dons d'interprétation, de telle sorte que ton message soit intelligible, de telle sorte que lorsque quelqu'un entend ce message, il peut dire « Amen ». Mais si ton message n'est pas entendu par d'autres personnes, par des frères et sœurs, comment vont-ils dire « Amen » ? Ils ne seront pas édifiés. Que tout se fasse pour l'édification. Deuxième principe, que tout se fasse dans l'ordre et dans la bienséance. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce que nous voyons souvent dans le culte, vous voyez quelqu'un, il entre en transe, il commence à crier « Hey, hey ! Normalement, lorsque tu entres en transe et que les modérateurs ou les pasteurs disent « Nous allons nous taire », si tu n'es pas capable de te taire, mon ami, il faut te poser la question « Quel est l'esprit qui agit en toi ?» Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Même lorsque quelqu'un parle en langue ou prophétise, la Bible nous dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Tu peux parler en langue. Quand on dit « Arrêtez maintenant, on va se taire », tu dois être capable de maîtriser et de te taire. Vous voyez? Mais il y a des gens qui font du désordre, des gens qui culbutent, des gens qui renversent les tables, des gens qui quittent peut-être de leur place, ils s'en vont devant pour prendre le micro pour dire que le Saint-Esprit me dit de donner les messages. Mon ami, ce n'est pas comme ça. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. S'il veut te parler, il sait qu'il y a un pasteur, il sait qu'il y a des responsables, des membres du conseil. Normalement, la bonne façon de faire, c'est d'aller les voir pour que les choses se fassent dans l'ordre. Vous voyez, ici, il dit au verset 27, « En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour. » Vous voyez, chacun à son tour. Parfois, les gens font des brouhaha. Pendant que quelqu'un parle, toi aussi tu parles, une autre parle. Chacun à son tour et qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Vous voyez, ça c'est ce qui concerne le parler en langue. S'il n'y a pas d'interprète, écoutez ce qu'il dit. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Et concernant les prophètes, écoutez ce qu'il dit toujours selon l'ordre. Il dit au verset 29, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que les premiers se taisent. Vous voyez donc, c'est ça l'ordre. Tu peux donner une prophétie, mais il faut qu'on puisse juger ta prophétie, mon ami. Parce que certaines prophéties peuvent ne pas venir de Dieu. On doit juger. Il faut que les choses se fassent dans l'ordre. La Bible nous dit ici, au verset 32 et 33, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Et quand nous voyons encore le verset 40, il est dit, « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Troisième principe dans l'usage des dons spirituels, « Aspirez aux dons des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue. » Vous voyez, des dons de prophétie importants. Nous devrions aspirer à ces dons. Mais n'empêchez pas de parler en langue. Il y a des églises où les gens empêchent de parler en langue. Ce n'est pas normal. C'est un don spirituel. Au lieu d'empêcher, il faut enseigner les gens pour qu'ils sachent comment l'utiliser. On dit n'empêchez pas. Je parle en nom de Dieu. Il ne faut pas dire dans notre communauté, le parler en langue est interdit. Mais pourquoi c'est interdit? C'est biblique. N'empêchez pas de parler en langue. Laissez les gens parler en langue. Libérez l'Esprit de Dieu, mais enseignez-leur à dire qu'ils puissent le faire dans l'ordre. Que Dieu nous aide. Nous allons les louer. Chantons ces cantiques. Hosanna, papa nanga na embeli yoye. Ozane, papa nanga na kumisi yoye. Ozane, papa nanga na sonjo yoye. Ozane, papa nanga na embeli yoye. Ozane, papa nanga na bineli yoye. Ozane, papa nanga na embeli yoye. Ozane, yaya nanga na sonjo yoye. Ozane. Ozane, yaya langa na netoli yoye. Ozane, papa langa na ebeli yoye. Ozane, yaya langa na bineli yoye. Ozane, papa langa na ebeli yoye. Ozane, yaya langa na tomoli yoye. Ozane, papa langa na ebeli yoye. Yembo zana e, yembo zana ha. Osina yuda he, umisa maha. Osina yuda he, sanjola maha. Osina yuda he, tombola mahe. Zambe malamugo, umisa maha. Yemboza na he, yemboza na ha. Yemboza na ho, yemboza na ha. Ozane, papa ni watu bilaleo. Ozane, papa nanga na embeli yoye. Ozane, maweja wani watu bilaleo. Ozane, papa nanga na embeli yoye. Ozane, papa ni watu bilaleo. Ozane, papa nanga na embeli yoye. Ozane, maweja wani watu bilaleo. Ozane. Timbozana e, timbozana, timbozana ha, timbozana he, osina yuda he, sanjola ma he, ute louvon ho, te levon ho, les dieux puissants, les dieux vivants, les dieux de gloire, te levon ho, okumi sama e, sanjola ma he, osina yuda ha. Zambe malamu, umisa mahe, neto la mahe, le Dieu de gloire, le Dieu du puissant, le Dieu vivant, nous t'élevons, le Dieu puissant, nous t'élevons, le Dieu de gloire, nous t'élevons, Zana. Gloire à Dieu. Il est digne de louange. Il est digne de recevoir la force, la puissance. Élève ta voix, mon frère. Bénis le Seigneur. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Notre texte du jour, c'est 1 Corinthiens 14, 20 à 40. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à croître dans la maturité spirituelle. Que nous ne demeurions pas comme des bébés spirituels, des enfants spirituels. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père éternel, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Béni sois-tu, El Elyon, le Dieu très haut, toi qui veilles sur nous chaque jour. Nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te glorifions ce matin. Nous prions au Père éternel pour notre maturité spirituelle. Fais en sorte, ô Père éternel, que nous devenions des chrétiens matures, que nous ne soyons pas toujours des bébés spirituels. Nous prions contre toute forme de laxisme, toute forme de passivité, au nom puissant de Jésus. Que tout obstacle à la croissance spirituelle des enfants de Dieu soit ôté. Tout obstacle à la maturité spirituelle des enfants de Dieu soit ôté. Toute forme d'enfantillage, toute forme de négligence, toute forme de laxisme, toute forme de passivité est ôtée au nom de Jésus. Nous nous élevons contre toute forme de tiédeur spirituelle. Fais en sorte, ô Père éternel, que la joie du Seigneur soit toujours notre force. Que tous ceux et toutes celles qui viennent à Jésus-Christ aient la soif d'acquérir davantage de connaissances, aient la soif d'avoir plus de paroles de Dieu afin que leur foi soit édifiée. Ta parole déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que l'on entend la parole de Dieu? Merci Père éternel, parce que nous avons cette assurance que notre prière a été exaucée et que tout blocage, tout laxisme, toute tiédeur spirituelle est ôté. Merci parce que tu bénis tes fils et tes filles qui aspirent à la maturité, qui croissent et deviennent des chrétiens matures. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir l'importance du don de prophétie. Ce don convainc surtout les non-chrétiens qui viennent. Les secrets de leur cœur sont dévoilés. Ils peuvent tomber à genoux pour adorer Dieu. Nous allons prier pour que réellement ce don se développe davantage dans nos églises. Et ce don peut être utile dans le contexte de l'évangélisation pour toucher les non-chrétiens, ceux qui viennent avec des problèmes. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci ce matin pour la grâce que tu nous fais d'être en vie, d'être en forme et de toujours nous tenir dans ta présence tous les matins. Comme Jésus, quand il faisait encore sombre, il est sorti pour pouvoir intercéder. Nous te prions ce matin afin que tu accordes le don de prophétie qui concerne à exhorter, à consoler, à encourager et Seigneur, nous révéler les choses cachées. Et tu as le pouvoir, tu as l'autorité de le faire. Nous prions ce matin que des sœurs, des frères qui ont vraiment ce don-là, que ce don soit manifesté dans nos milieux, dans nos églises, dans nos ministères, véritablement. Nous ne voulons pas parler des dons de divination, notre Dieu, notre Père, comme au temps de l'apôtre Paul. Mais nous voulons te prier pour que ce don de prophétie soit donné à des frères, à des sœurs, pour pouvoir l'exercer dans l'église, au milieu des frères et des sœurs, pour que l'église avance, pour que des âmes soient sauvées, des âmes soient gagnées, des corps et des familles soient restaurés. Notre Dieu, notre Père, nous en avons besoin maintenant, mais nous ne voulons pas de ces dons de divination pour escroquer, pour mentir. Notre Dieu, c'est ce don-là qui amène des gens à dire certaines choses qui ne viennent pas de toi, mais ce qui vient de toi. Le don des prophéties est un don qui est accordé par le Saint-Esprit. Nous le voulons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir les principes dans l'utilisation des dons spirituels. Tout doit se faire pour l'édification. Tout doit se faire dans l'ordre et la bienséance. Nous devons aspirer au don des prophéties et n'empêchons pas de parler en langue. Prions le Seigneur pour que ce principe soit respecté dans nos vies, dans nos églises. Que l'esprit de désordre soit banni dans le nom de Jésus. Que nous puissions utiliser les dons spirituels pour l'édification et que nous puissions aspirer au don des prophéties, mais n'empêchons pas de parler en langue. Prions le Seigneur. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver encore parmi les vivants. Et c'est pour cela que nous voulons te dire infiniment merci, t'acclamer, t'exalter, te magnifier, te louer, t'élever, te glorifier. Parce que c'est une grâce de ta part. Et ce matin, tu as dit dans ta parole, vos désirs doivent être de transmettre des messages reçus de Dieu. Ô Père, merci parce que par ton esprit, par les dons spirituels, tu nous permets de transmettre fidèlement le message que tu nous donnes. Merci parce que tu libères en nous le don de parler en langue, en des langues inconnues. Que tout se fasse avec dignité et ordre. Qu'il y ait de l'ordre dans les prophéties, dans la manifestation des dons spirituels. Que réellement ton nom puisse être glorifié et que ces dons apportent l'édification, la restauration, la transformation, la bénédiction au milieu de ton peuple. Seigneur, donne à tes enfants les guides de savoir marcher selon les dons et de les faire appliquer selon ta volonté dans l'ordre. Merci pour la manifestation des dons spirituels. Quiconque ce matin aspire à un quelconque don, je relâche ce don dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chauffe l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit maintenant même. Quelqu'un reçoit le baptême, quelqu'un reçoit le feu dans ses mains, dans sa tête, dans sa bouche, partout dans son corps. Et cette personne est baptisée ce matin. Merci Seigneur notre Dieu pour les dons que tu relâches et pour l'édification du corps de Christ et pour la bénédiction de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, merci pour cette merveilleuse journée. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons, nous proclamons tes louanges, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Ce matin, une fois de plus, nous nous tournons vers toi et nous exprimons notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous prions ce matin au Père éternel, selon tes instructions, pour que tu capacites tes fils et tes filles pour aspirer aux dons spirituels. Que chaque enfant de Dieu puisse aspirer aux dons spirituels et l'exprimer dans l'ordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. C'est pourquoi nous déclarons la manifestation de tes dons spirituels dans la vie de tes enfants et cette manifestation dans l'ordre et la paix. Merci Père éternel, merci pour l'opportunité que tu donnes à tes enfants de s'exprimer avec les moyens mis à leur disposition. Nous nous élevons contre toute opposition à l'expression des dons spirituels. Nous nous élevons contre tout blocage, toute obstruction des dons spirituels dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que toute forme de désordre lors de la manifestation des dons du Saint-Esprit est ôtée. Merci Père, merci parce que tu équipes tes fils et tes filles. Tu nous as appelés pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous prions au Père éternel pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu la manifestation des dons spirituels, qu'elle soit une réalité dans leur vie, qu'elle soit une réalité dans tout ce qu'ils entreprennent, parce que ces dons nous permettent de contribuer à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Levez vos mains et recevez maintenant la bénédiction que l'Éternel vous accorde. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame maintenant la grâce de Dieu sur votre vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour quelqu'un. Tu es souffrant, tu es combattu. Il y a une maladie qui a commencé avec des songes bizarres. Je déclare que la main de Dieu maintenant se manifeste et tu reçois la guérison au nom de Jésus. Toutes les barrières que l'ennemi dresse devant toi pour t'empêcher d'aller de l'avant, que ces barrières soient brisées, que ces barrières soient ôtées au nom de Jésus. Que l'Éternel marche au devant de toi, que tes ennemis deviennent ton marche-pied dans le nom de Jésus-Christ et que tu marches de gloire en gloire et de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée, c'était OSB. Au revoir et à demain. Du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.